لما يجي بيتو بيتو يشرب لك كوكب لما يجي بيتو بيتو يشرب لك كوكب يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى سبع سنين كلها Tu m'as demandé de faire ma façon. Quand je t'ai vu, c'est la belle con. Tu m'as demandé de faire ma façon. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Comme on la salsa avec pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Comme on la salsa avec pomodoro. Ya Mustapha, ya Mustapha. Thank you. سبع سنين في العقرب